matin n'était pas très frais, pas très serein, voire carrément mauvais. Le réveil débranché, c'était un mauvais signe. Essayer de se lever à défaut d'être digne. La soirée passée avait bien commencé, des amis plein les bras et une robe de soirée. Puis des bouteilles vidées et des souvenirs troublés. Elle ne savait plus comment ça s'était terminé. Elle vit toujours seule, la nuit comme la journée. Elle fait parfois la gueule et elle boit pour oublier. Et elle boit pour oublier. Comme une enclume, les pieds frigorifiés, un cachet d'aspirine dans sa tasse de café. Elle n'était pas très fière d'être dans cet état. Elle avait dit hier, je ne ferai plus jamais ça. Voilà, c'est comme ça, elle a recommencé. Et que verront suffit à la faire plonger. La question qu'elle se pose, c'est comment renoncer. Éviter l'overdose, être enfin libérée. Elle vit toujours seule, la nuit comme la journée. Elle fait parfois la gueule et elle boit pour oublier. Et elle boit pour oublier.